bonsoir et merci. Je remercie tous ceux qui ont favorisé ma présence ici. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir écouter ce qu'on est en train de dire ce soir. On ne vous entend pas. On vous entend pas, mais je ne comprends pas pourquoi. Creo que el problema de mí. Hola, hola. Proche. Je remercie encore tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir m'écouter. Et puis, je remercie tous ceux qui ont favorisé ma présence ici pour venir me solidariser avec les paysans de Galice. Quiero dar las gracias a todo el mundo que favoreceu que la estés aquí hoy, y a todo el mundo que veo hoy aquí a escoitar, a falar, a escoitar a cómo se solidariza con los pequeños labregos de Galicia. Je vais parler de deux événements importants parce que le premier orateur a déjà présenté la CNOP, qui est une coordination nationale des organisations paysannes du Mali et qui est organisée de la base au sommet. Et c'est pour lutter pour les intérêts des petits paysans et aussi c'est pour influencer les politiques en faveur des petits paysans et en préservant leurs droits et leurs intérêts. Et par rapport à ça, nous, on a pu s'organiser au niveau du Mali et on est membre du réseau des organisations paysannes et producteurs de l'Afrique de l'Ouest et on est aussi membre de la Via Campesina. Et tout ça, c'est pour résoudre le problème qu'on vit. Parce que nous, on est des petits paysans familiales avec énormément de problèmes. Problèmes d'accès au crédit, problèmes d'accès aux facteurs de production, problèmes d'accès aux fonciers, problèmes d'accès à l'eau, problèmes de manque d'appui, conseil et d'accompagnement. Et nous, notre métier agriculture, c'est nous, on vit de ça. Ça veut dire que nous, on est au village, on est dans les familles et nous voulons vivre de notre métier qui est un métier noble, qui est un métier qui respecte l'environnement, qui respecte la santé humaine. Parce que nous, on s'est dit qu'un autre monde est possible parce que le monde est fait de riches et de pauvres. Et pourquoi appuyer les plus riches pour qu'ils soient plus riches encore et étant donné que les pauvres sont là et ils n'auront même pas à manger. Ça veut dire que si on est dans un monde, il y a le monde des riches et le monde des pauvres. Et surtout, le pays d'où je viens, qui est le Mali, et la population rurale, petit paysan familial, regroupe 80% de la population. Et les femmes en regroupent 56%. Et là, vous voyez, avec tout ce problème, et on doit vivre. Ça veut dire que nous, on s'est dit, on n'a pas de voix, on n'a pas de pouvoir, mais si on se met ensemble, on parlera de la même voix. C'est à ce niveau que nous, on a adhéré à Via Campesina. Parce que pour nous, ce que Via Campesina est en train de mener, c'est original. Parce qu'il fait faire, il défend les intérêts. C'est toi qui connais ton problème, c'est toi qui connais ton intérêt. Ils aident, ils poussent les gens, ils appuient les gens à lutter pour avoir leur intérêt. Moi, je crois que c'est original. C'est pourquoi nous, au niveau, quand le président de la République du Mali voulait renouveler son mandat, nous qui représentons 80%, on a dit, nous, on est les populations pauvres, on est des agriculteurs, on ne va pas voter s'il n'y a pas une loi qui sera votée après l'élection du président. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas assez de pays qui ont une loi derrière l'agriculture. Et aussi, l'agriculture est le moteur de l'économie des pays africains. Mais il n'y a aucune loi. Ça veut dire que nous, on s'est dit, au Mali, il faut qu'il y ait une loi. Et avec cette pression forte, ce slogan fort, et après l'élection du président de la République, nous avons pu organiser l'élaboration de la loi d'orientation agricole, qui est la première en Afrique. Dixo que a primeira oradora xa tiña presentado a CENOP, que é unha organización de Mali que abarca desde os máis pequenos ata os máis grandes e axuda aos pequenos labregos a loitar polos seus dereitos e a que o Estado recoñeza os seus dereitos e os seus intereses. Teñen moitos problemas e non teñen demasiados apoios e por iso a este nivel, para que a súa voz se escoitada a nivel nacional, aliáronse ca ROPPA, que é unha asociación de organizacións a súa vez, un colectivo de organizacións de África do Oeste, e tamén a Vía Campesina, para que abarquen a máis pequenos labregos. Teñen moitos problemas, teñen problemas de crédito, teñen problemas de acceso aos factores de producción, teñen problemas de acceso ás terras, problemas de auga, falta de consello, falta de apoio por parte de todos os estados principalmente. Por exemplo, un dos seus problemas máis importantes é que o seu oficio non está recoñecido como tal. Eles reivindican que teñen dereito a vivir do que producen, teñen dereito de vivir do que coñecen realmente, porque cree que o seu oficio é un oficio nobre, que respeta o medio ambiente, que respeta a vida humana, e que creen que un mundo diferente é posible, un mundo onde non só os ricos se están sendo cada vez máis ricos, senón que tamén se escoite a voz e os dereitos do pobre, xa que temos que ter en conta que o mundo está feito de ricos e de pobres realmente. En Mali, o 80% da poboación son pequenos productores, pequenos labregos, e o 56% da poboación son mulleres, entón hai un alto porcentaxe de mulleres que son labregas tamén, e teñen vense enfrentados a moitísimos problemas, anda que o principal é que non teñen voz realmente individualmente, por eso decidiron xuntarse e decidiron facer alianzas e unirse, por exemplo, a organizacións como Vía Campesiña. Vía Campesiña pareceulles unha idea orixinal porque non intenta facer nada en lugar dos que se van beneficiar, senón que dan apoios, son os propios labregos os que fan as reivindicacións e Vía Campesiña simplemente lles dá apoios para loitar polos seus intereses. Cando en 2007 tiveron eleccións presidenciales, os pequenos labregos decidiron que ían votar a aquel candidato que favorecese a creación dunha lei agrícola, xa que en África é moi raro que haxa unha lei que protexa a agricultura, aínda que a agricultura é realmente o motor da vida económica en África, pero non hai ninguna lei que respalde nin que regule a agricultura. En 2007, como dixen, foron as eleccións e despois de moita presión conseguiron que o actual presidente redactase unha lei de orientación agrícola. On a pu élaborer la loi d'orientation agricole, mais ça reste des papiers, parce que s'il y a une loi, s'il n'y a pas de décret d'application, ça reste les papiers. Et on est en phase de lutter pour le décret d'application. Mais à ce niveau aussi, il y a un bon travail qui a été fait, parce qu'on a eu deux arrêtés ministériels qui déterminent le métier agricole, et un arrêté ministériel aussi qui détermine le statut de l'exploitant et de l'exploitation familiale. Et on a quatre projets de décret. Le premier projet de décret, c'est le Fonds national de développement agricole. Le deuxième projet de décret, c'est le projet fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du dispositif spécifique de communication de la loi d'orientation agricole et ses décrets d'application. Le quatrième est un projet de décret instituant le régime de protection sociale des travailleurs du secteur rural. Parce que nous, on n'en a pas. Ça veut dire que si tu es agriculteur, si les inondations viennent, si les débridateurs viennent, si ça peut c'est gâté. Ça veut dire que c'est toi qui perds. Il n'y a aucun appui social. Il y a le quatrième projet de décret définissant le mécanisme de gestion du foncier rural. Ça veut dire que dans la constitution malienne, la terre appartient à l'État. Ça veut dire que même si les petits paysans ont duré sur une terre pendant 20, 30 ans, si l'État a besoin, il vient, il dégrépille. Et là, si tu veux avoir une propriété foncière, il faut payer. Et les paysans maliens n'ont pas... le pouvoir d'achat du paysan malien ne pourra pas lui permettre de payer, de subvenir à ses besoins familiaux et aussi de payer une terre pour que ça soit une propriété. A lei foi escrita, ainda que queda moito por facer ainda, porque ainda teñen que están loitando polos decretos de aplicación, porque esta lei realmente se leva á práctica. Conseguiron xa que o Ministerio aplicase, por un lado, o aplicase, recoñecese o oficio de labrego, e reconhecese eso e reconhecese o estatus, o sea que necesitaras algo para realmente para ser labrego. Hai, ainda hai outros 4 proxectos que lles faltan por elaborar. O primeiro é a creación dun fondo de nacional de axuda ao desenvolvemento agrícola. A segunda é un dispositivo para que a comunicación entre os labregos e o ministerio sobre a lei de orientación agrícola sexa boa. Outro é un decreto para axudar á protección social, porque ali non teñen ningún tipo de prestacións sociais. Falou, por exemplo, que si hai unhas inundacións, este o que perdes, non, o Estado non te apoia, non hai ningún tipo de apoio social. E o último é un decreto que busque unha mellor xestión, o sea, que os propios labregos podan xestionar as súas terras. Na Constitución de Mali as terras pertencen ao Estado. Isto quere decir que se o Estado necesita esas terras en calquera momento pode levar as terras dos labregos, e se os labregos quixesen ter esas terras en propiedad terían que pagar. O que pasa é que ali a xente non ten un poder adquisitivo suficiente como para pagarse unhas terras. Entón, o Estado ten aí un pouco de... O sea, pode facer realmente o que queiran con as súas terras. C'est pourquoi en 2007, avec l'appui de Via Campesina, nous, on a pu organiser le forum sur la souveraineté alimentaire, Nyerini 2007, au Mali, qui a regroupé presque tous les paysans du monde. Parce que j'ai dit dans le début de mon exposé que nous, on a adhéré à Via Campesina parce que ce que Via Campesina fait, c'est original. Il fait faire, il appuie. C'est à travers ça qu'il nous a appuyés par la réflexion, la stratégie, les techniques, l'appui. On a aussi cherché des partenaires pour nous, pour organiser ce forum Nyelini, pour que tout le monde sache que la souveraineté alimentaire, c'est un problème de tous. Parce que c'est la souveraineté alimentaire, c'est une agriculture qui respecte les valeurs, les traditions et aussi la santé, l'environnement. Ça veut dire que c'est original. C'est l'objectif de ce forum, c'est pour que ça soit clair dans notre tête. Que signifie pour nous la souveraineté alimentaire? Parce que aussi, chacun définit de sa manière le concept de souveraineté alimentaire. Mais pour nous, c'est d'assurer une meilleure compréhension du concept de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que cela signifie pour quel type de production nous voulons, le mode de consommation à défendre pour nous. Ça veut dire que ce que nous pensons, qu'est-ce que la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire pour telle agriculture. Parce que si on défend une chose, il faut savoir ce que, il faut connaître, que ça soit clair dans ta tête ce que ça signifie. Toi, souveraineté alimentaire, d'établir des stratégies communes, comme j'ai dit, ça veut dire que Via Campesina, il fait pas à la place des gens, mais il est complice, il fait faire, il accompagne. Ils aident à employer des stratégies pour appuyer les gens à savoir ce qu'ils veulent faire. Et par rapport à ça, c'est pourquoi nous, on a pu organiser ce forum Nyelini au niveau du Mali. Et dans la présentation, j'ai entendu l'orateur qui disait changement climatique. C'est tout là le problème. Parce que l'impact du changement climatique, ça, si ça continue, nous, les petits paysans en Afrique, on va disparaître. Parce que à ce moment, il fait très chaud, très très chaud, jusqu'à 45-50 degrés sur la vie des populations. Il pleut 2 mois 15 jours ou bien 3 mois sur 12 dans le continent africain. Et cela s'ajoute à des inondations. Cette année, par exemple, en 2008, il y a eu assez d'inondations, même les habitations sont parties. Et en Afrique, il n'y a pas de système de sécurisation, il n'y a pas de système d'indemnisation. Ça veut dire que si ta maison part, tu es parti. si ton, ta production part, tu es parti. C'est pourquoi nous, on dit, il faut que tout le monde se retrouve dans un marché. Les riches et les pauvres sont, se retrouvent dans un marché. C'est à travers la sécurisation de nos agricultures familiales que nous, on vit et que nous, on aura accès au marché. Ça veut dire que ça ne sert à rien de soutenir les plus riches pour qu'ils soient riches, or que les petits pauvres sont là à chercher ce qu'ils sont en train de manger. C'est ça notre lutte. Et c'est pourquoi nous, on s'est dit, parce que les gens se posent la question, est-ce que les petits paysans de l'Europe ont les mêmes problèmes que les petits paysans de l'Afrique? On s'est dit oui. À un moment donné, on se rejoint. Parce que si les petits paysans de l'Europe ne sont pas soutenus, les petits paysans de l'Afrique ne sont pas soutenus, ça veut dire qu'on a le problème commun. Si les petits paysans de l'Europe sont en train de vendre leurs produits sous le coût de la production, nous, on en fait aussi. Mais peut-être il y a des améliorations ou bien des avantages que nous, on ne bénéficions pas. Par exemple, les paysans européens bénéficient de la retraite. Nous, on ne bénéficie pas. Peut-être ils bénéficient des services sociaux de base, tels que la santé. Nous, on ne bénéficie pas. Mais quand même, que, quel que soit le problème, quels que soient les avantages, on a un problème commun. Si on a un problème commun, il faut se mettre ensemble. Il faut parler d'une même voix. Et à un moment donné, les gens vont écouter. Et même si on ne nous écoute pas, on va lutter jusqu'à la fin de notre vie pour que quand même les gens sachent qu'on a des problèmes et que ce problème doit se résoudre. Et le monde est fait de riches et de pauvres et que l'opinion publique doit respecter le droit des pauvres, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le respect de l'environnement. Merci. En 2007, Vía Campesina ayudó-nos a crear un foro sobre seguridad alimentaria en Mieleni, donde participaron labregos e labregas de todo o mundo. É por iso que Vía Campesina parecenos unha organización interesante, porque non fai no teu lugar, senón que realmente axuda, por exemplo, nesta iniciativa de facer un foro común. Nese foro invitouse a reflexión sobre o concepto de soberanía alimentaria, porque é un problema que lles atinxe a todos, é un problema que tamén vai para, o sea, afecta ao medio ambiente, á saúde. En Mieleni intentaron saber por que o que estaban loitando, porque se teñen todos un concepto diferente do que é soberanía alimentaria, é moi difícil chegar a un obxectivo común. Entón, por exemplo, fixeron esas preguntas de que tipo de producción deberían ter, o modo de consumo, porque se defenden unha causa, teñen que saber que causa están defendendo. Na presentación escoitou que se falaba do cambio climático e di que ese é precisamente un dos grandes problemas, porque o cambio climático fai que fará que se a situación sigue como está, os pequenos labregos de África desaparezan. Hoxe en día, as temperaturas en África, na zona onde vive ela, por exemplo, rondan entre os 45 e 50 grados. É unha cousa moi calurosa, realmente. Ademais, chove moi pouco, entre 2 meses e medio e 3 no ano, e para aínda empeorar máis a cousa, no ano pasado, no ano 2008, tiveron moitos problemas de inundacións. En África non hai ninguna seguridade a hora de, por exemplo, se perdes a casa, perdeches a casa e perdeches todo, o Estado non che axuda, non che apoia para nada. Por eso di que é importante que haxa un mercado no que os pequenos agricultores tamén se vexan beneficiados e non estar todo o rato beneficiando os máis ricos, porque non leva realmente a nada. Despois disso preguntáronse se os pequenos productores de Europa tamén teñan os mesmos problemas que os de África. E se fose así, como así é, deberían xuntarse e crear alianzas, porque se os problemas son os mesmos, as solucións tamén poderían ser as mesmas. Por exemplo, o problema de vender por debaixo dos costes de producción. Perdón. Sin embargo, tamén fala de que hai moitas cousas que son diferentes nos países. Por exemplo, eles ali non teñen dereito a xubilación, nin a un tipo de prestación social, nin para ir ao médico, nin nada de iso. Aínda que os problemas haxa situacións diferentes, algúns problemas son iguais. E por iso é polo que ela está loitando, porque ten que facerse escoitar o povo perdón, o pobo labrego ten que seguir loitando, porque mentes haxa problemas, pois ten que haber solucións. A opinión pública debe respetar o dereito dos máis pobres, aínda que sexan pobres, a dar a súa opinión, e ademais de dar a súa opinión, debe respetar o dereito que teñen á saúde, á educación, e a soberanía alimentaria, e sobre todo a dar dereito a que eles tamén se poden expresar, aínda que sexan pobres. E xa está. J'ai dit que c'est, il faut pas que c'est, parce que moi j'apprends quelque chose d'eux et ils apprennent quelque chose de moi, que ça soit un échange, que ça soit pas quelqu'un seul qui parle, passe toute la journée à parler, ça veut dire qu'on va faire questions-réponses, ils vont me poser des questions, je vais en poser aussi. Di que, bueno, ela, vos aprendedes de ela, pero ela tamén pode aprender moito de vos, xa leva todo o día falando, entón prefire que sexa pregunta-resposta. Ela tamén preguntará, vai vos preguntar cousas, pero prefire que sexa un pouco bilateral a conferencia. Non sei se tens algunha pregunta. Sí. Me gustaría saber como está ahora mismo la lucha contra los tratados de libre comercio que la Unión Europea está imponiendo o intentando imponer en los países de África Oeste. Nous devons savoir la situation des accords de libre commerce entre l'Europe et les pays d'Afrique de l'Ouest, parce que en ce moment l'Europe impose beaucoup d'accords de libre commerce entre les deux continents. C'est ça, j'ai dit que il y a les problèmes nationaux, il y a les problèmes internationaux, il y a les problèmes mondiaux. Ça veut dire que c'est à travers l'Europe que nous on fait cette lutte, parce que Mali seul ne peut pas faire cette lutte. Ça veut dire que ce lutte est imposée au niveau de la région, à travers l'IMOA, à travers la CEDEAO. Et au niveau de l'Europe, qui regroupe 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, ce combat aussi, nous, on est en train de mener ça. Parce qu'on a participé à l'élaboration des produits sensibles, qui sont, nous, nos alimentations. Nous, notre lutte, c'est de protéger ces produits sensibles. Et aussi, on a en partie d'accord avec les politiques de la CEDEAO qui parlent de la souveraineté alimentaire. Mais on est en train de comprendre le contenu de leur souveraineté alimentaire. Parce que est-ce que c'est le même contenu que nous? Parce qu'on peut parler du même concept et on peut définir de sa manière. On est en train de voir quelle est leur définition, si ça correspond avec notre définition. Bueno, ela di que escoitasme. Bueno, que os problemas teñen que plantexarse de maneira diferente a nivel local, tanto a nivel local como nacional e internacional, e que por eso que a CENOP está asociada tamén o ROPA, que é unha coordinación de organizacións de África do Oeste, porque Mali por si só non pode loitar contra este tipo de tratados e contra este tipo de acordos. E, polo tanto, únense todos os labregos de África do Oeste para loitar a nivel internacional. E que un dos seus objetivos máis importantes, non loitar porque se lles permita producir o que eles coñecen, producións que son máis sensibles en este momento, porque están, bueno, Europa impón algúns cultivos, entón que fan acordos tamén coa CDAO, acordos sobre todo, e xuntanse a nivel de varios países para poder loitar contra este tipo de acordos. Tamén queren definir o que é a soberanía alimentaria para eles e o que é a soberanía alimentaria para os demais, porque ás veces poden estar falando a mesma cousa, pero ter definicións diferentes cada unha das partes. Je voudrais savoir la situation au Mali, parce qu'il a entendu parler qu'à cause de la crise capitaliste, il y a à peu près 1 000 millions de personnes qui ont faim dans le monde. Et je voudrais savoir si ça, vous le percevez au Mali, si ça est devenu une réalité au Mali, qu'il y a des personnes qui ont faim. Bon, en fait, je... fait, parce qu'il faut éclaircir le fait. parce que nous on parle de faim, c'est pas pour ne pas manger, mais c'est quand on nous impose quelque chose qu'on connaît pas, on a faim, parce que ça fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Ça veut dire que le capitaliste, le monde capitalisme, ça veut dire que faire disparaître les petits producteurs, parce que nous, ce qui est original pour nous, ce que nous voulons, ce que nous pensons que c'est bon pour nous, c'est ce que nous mangeons, ce que nous produisons. Mais déjà, s'il y a nous, on ne peut pas produire, notre production n'est pas soutenue, on n'a pas d'argent pour payer ce qui est sur le marché, ou bien ce qui est sur le marché n'est pas convenable par rapport à notre alimentation, moi je crois qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il peut avoir la nourriture à manger, mais les gens peuvent avoir faim à côté de cette nourriture, par problème d'argent, par aussi le problème de reconnaissance du produit. Bueno, ya fala de que hay diferentes maneras de entender a fame, porque Mali, por ejemplo, están ya imponiendo muchos cultivos que no forman parte de sus hábitos alimentarios. Bueno, o capitalismo basase en iso, non? A non defensa ou máis ben bastante negativo para os pequenos productores, que o que queren e o que queren defender é a súa producción e o que queren comer e a súa producción o que eles coñecen, porque os cultivos que se lles impoñen ás veces son negativos para a súa saúde, porque non forman parte da súa dieta. E como a producción dos pequenos labregos non está apoiada polo Estado, nin ten ningún tipo de subvención, pois en ocasións non teñen ningún tipo de alternativa, non? Entón, ela di que a veces mesmo se teñen comida ao lado, non están realmente ben alimentados ou non teñen realmente o que eles quixeran, non? Que é producir os seus propios alimentos, que polo tanto, pois o capitalismo é un problema bastante grave para eles. Vous avez l'accès aux semences et est-ce que vous avez une influence sur les cultifs qu'on vous impose de l'Union européenne, si l'Union européenne vous impose surtout des produits OGM et si vous pouvez faire un peu la concurrence avec vos propres semences ou est-ce que vous avez une influence? Bon, bien sûr, il y a même des États qui commencent à signer cette convention parce qu'il y a une pression derrière. Et nous au Mali, nous, notre problème, c'est dans l'immédiat, c'est le coton. C'est le coton que l'État nous impose parce que c'est un produit de rente. Et nous, on ne mange pas ni le coton, ni les résidus du coton. Et aussi, sur le marché international, le prix du coton est sous le coût de la production. Vous voyez, c'est à travers ça que nous, on gagnait de l'argent. Et maintenant, ce qu'on produit, le prix de vente est sous le prix de le coût de production, et que ça veut dire que c'est tout le problème, c'est à ce niveau. Mais les OGM aussi, ils sont en train de les faire adhérer dans les petites portes. Ce n'est pas rentré dans la grande porte maintenant, mais petit à petit ils sont en train de rentrer dans les petites portes parce qu'il y a assez de pays qui sont en train de signer les OGM. Ça veut dire que à un moment donné, nous, notre vie va dépendre des personnes. Ça veut dire que celui qui ta culture dépend de quelqu'un. S'il veut que tu manges, tu manges. S'il ne veut pas que tu manges, tu ne vas pas manger. Bueno, la dica es que os cultivos que se impoñen desde a Unión Europea teñen moitísima influencia nos labregos de Mali e nos países. Hai moitos países que están firmando acordos coa Unión Europea e que Mali o problema principal que teñen é co algodón, porque é un cultivo que ven imposto polas necesidades do mercado europeo e que incluso o Estado lles impoñe en certa maneira ou que os anima a cultivar algodón dándolle subvencións. Pero ela di que o algodón eles non o comen, non comen nin o algodón, nin produtos derivados do algodón. Entón que sí que os campesiños se dedican a iso porque nun primeiro momento era o que máis diñeiro lles daba, pero que agora mesmo están vendendo o algodón por debaixo dos costes de producción. Entón que sí que lles daba diñeiro antes, pero agora non teñen diñeiro, nin tampouco teñen alimentos que eles cultivasen. Di que tamén os produtos transxénicos están entrando non pola porta grande, pero moi pouquiño a pouco, como case que sen enterarse. Ela di que o principal problema é de depender de outros países para comer, porque nese momento é cando os outros países decidirán no momento que comes ou se queren que deixes de comer. pasar si una fecha pues había otro tipo de situación donde la gente era más autosuficiente. Je voudrais savoir s'il y a un moment au Mali où la situation a changé, si avant vous étiez plus indépendant, plus autosuffisant, et il y a un moment dans l'histoire où cette situation a changé et vous avez commencé à être plus indépendant. Nous, on a été toujours indépendant parce que ce que nous produisons, c'est ce que nous mangeons. Nous, notre base d'aliments, c'est le mil, c'est le maïs, c'est l'arachide. Bon, c'est depuis 1973, il y a eu les grandes sécheresses qui a favorisé la migration. Mais après, ça s'améliorait. Mais après ces derniers 5 ans-là, ça commence à la production commence à baisser parce qu'il ne pleut plus. Mais le type de culture que vous avez, c'est celle millénaire de toute votre population ou c'est il y a eu un changement de mode d'agriculture qui a fait que vous êtes sensible aux inondations et au changement climatique? J'ai pas bien compris ta question. Normalement, le changement climatique, c'est pas instantané. C'est très lent. C'est très très lent. Donc ça veut dire que l'agriculture naturelle, normalement, s'adapte. Est-ce que vous connaissez Claude Bourguignon? Claude Bourguignon, vous connaissez? Bon, c'est un ingénieur agronome très intéressant que je vous conseille d'acheter le livre. Il explique tous ces mécanismes. Bon. Si normalement votre agriculture est naturelle et tient compte de l'environnement, vous résistez à tout. En France, par exemple, il y a une ingénieure agronome, une femme qui a un institut. Quand tous les agriculteurs sont inondés, ils n'ont rien, les cerises sont mortes, toutes leurs cultures sont mortes, elle a tout en parfait état. Et c'est agriculture écologique, ça mène parfaitement et c'est très bon. Et elle l'a développé, c'est une femme très connue, qui a beaucoup écrit, mais qui n'est pas aidée par l'État, qui est combattue par l'État. Mais néanmoins, elle a écrit, elle travaille dans le monde entier, elle publie dans le monde entier, et elle dit, elle prouve qu'elle peut produire quelles que soient les conditions climatiques. Et Claude Bourguignon dit la même chose. Et il travaille avec l'Afrique, avec le monde entier, il aide le monde entier, quelles que soient les conditions. Alors par contre, ce que dit Claude Bourguignon, c'est que les ingénieurs, les technocrates viennent dans les pays et imposent des méthodes qui rendent dépendants du climat. Et à ce moment-là, vous perdez tout. Et vous devenez dépendant. Et à ce moment-là, les semenciers transgéniques viennent et disent, nous, on a résolu le problème. On vous vend, on va voir le président, votre président de la République, on lui dit, avec le transgénique, vous n'avez plus de problème. Et effectivement, le transgénique, il pousse n'importe comment, n'importe où. Et en plus, il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a plus besoin de personne. Il suffit d'un ordinateur, d'un satellite et d'un ordinateur. Et c'est tout. Mais nous, notre agriculture est écologique parce que nous on n'utilise pas assez de pesticides parce que c'est à travers les cotons, le coton. Mais il pleut pas comme à hauteur de souhait. Il y a des semences qui acceptent même la sécheresse. Mais moi, je vis dans la sécheresse. Je sais, cette année, on n'a jamais récolté. Cette année, nous, on n'a jamais récolté. Moi, je suis dans le Sahel cette année, en 2008. Il n'y a pas eu de récolte parce qu'il y a eu l'inondation. Mais écoutez, moi je crois que vous lisez un livre, moi je pratique. Ah non, mais moi je suis praticienne. L'ingénieur dont je parle, il pratique dans le monde entier. Oui, toi tu l'as entendu faire, mais moi je fais. Non, ça veut dire qu'il y a une différence. Pardon. Il fait en sa manière. Mais au Mali, dans la région de Kaï, il faut demander qui que ce soit, il faut aller voir la carte. Nous, on a toujours utilisé la semence précoce, mais en 2008, on n'a pas récolté. Bueno, vamos a hacer una pequeña traducción. Bueno, este señor preguntaba que por qué se a súa agricultura é natural, se o cambio climático se produce moi pouco a pouco, porque esta agricultura non se adapta. Que hai, Claude Bourguignon, que é un agrónomo francés, máis outra muller agrónoma, defenden que poden producir en todas las todo tipo de condiciones climáticas. De feito, en Francia están se levando a cabo experimentos que mediante os cales sobre todo a muller Dominique Florian. Bueno, esta muller pode cultivar cousas mentres que a xente do seu redor pues está vendo como as súas colleitas se perden. Parece ser que, bueno, dice que os enxeñeiros que van a países como Mali ou países de África impoñen métodos de cultivo que fan que se dependa do medio ambiente. Entón, é cando as empresas que traballan cos organismos modificados xenéticamente entran en xogo e din que teñen a resposta para que os pequenos agricultores non teñan ningún tipo de problema para cultivar a pesar das condicións climáticas. Cando estes enxeñeiros agrónomos defenden que os cultivos naturais tampouco terían problema, en principio, a pesar das condicións climáticas. É así, verdad? Et mieux que ça, il y a une station de recherche dans mon village, une station régionale qui produit des semences précoces et qui propose aux gens et aux paysans. Et on a des paysans semenciers qui sont soutenus, qui produisent localement les semences locales améliorées au niveau de mon village. Il s'appelle Samé Plantation. Et vous verrez dans la carte. Et vous verrez, il faut demander les ingénieurs qui sont en France, qui connaissent bien le Mali, ils connaissent mon village. Bueno, la defende que ela vive nunha zona desértica onde teña moi poucas precipitacións e ás veces non chega auga para que os cultivos maduren, que bueno, na súa práctica de todos os días que se leva facendo dende fai moito tempo, pois que sí que o clima ten moita influencia, non? Que eles moitas veces plantan cultivos, pero que a causa pois da falta de chuvia, de todos estes problemas, pois ás veces non lles dá tempo a madurar e non poden facer a colleita, que é o que lles pasou, por exemplo, ano pasado. Ça, on le produit dans la station de chez moi, et il y a même des paysans semenciers. E que tamén producen algunhas sementes precoces que maduran moi rapidamente. Na súa zona en concreto producen bastante este tipo de sementes que poden madurar en 2 meses e medio, 3 meses. Nous, on n'utilise pas assez, on n'utilise pas d'engrais. D'engrais. No. Que non utilizan abonos. Voudrais savoir d'abord le type de culture que vous avez au Mali, les autochtones, c'est l'originaire du Mali, et après si vous les cultivez pour la consommation des familles ou si vous voudriez les cultiver pour l'exportation ou la vente au niveau international. Nous, on n'a pas cette possibilité d'aller au niveau international. Nous, c'est les cultures de la nourriture, l'alimentation, ça c'est le mil, le maïs, le sorgho, le haricot, j'ai dit le maïs, le riz, et puis tous les légumes que vous voyez ici, on le produit. On produit des fruits et aussi on produit la patate, l'igname, le manioc. Tout ça, c'est dans l'alimentation. Ça veut dire que c'est ça, je suis en train de dire que c'est dans nos habitudes alimentaires. C'est ça qu'on connaît. Depuis nos arrière-grands-parents, c'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on connaît. Bueno, en canto ao tipo de cultivos, se queren cultivalos para exportación, comenta que eles non están a nivel de poder permitirse un cultivo para exportación, que é cultivo sobre todo para consumo propio, para as familias. E dentro dos alimentos que eles toman máis está o painzo, o millo, as xudías, o sorgo, que é un cereal tamén, o arroz, todo tipo de verduras, como podemos ter aquí, froitas, patata, iñame, mandioca. Et il voudrait savoir aussi qui travaille les champs, si c'est les hommes, si c'est les femmes, si les enfants travaillent aussi. Todos. Todo el mundo. Tout le monde. Mais il faut reconnaître qu'il y a un début de réticence des enfants parce que eux, ils veulent bien manger, ils veulent bien s'habiller, ils veulent se coucher bien. Et pour eux, l'agriculture ne paye pas. Ils ont tendance à aller à l'école pour être des étudiants, pour gagner leur vie ou bien aller à l'immigration que d'aller au champ. Bueno, di que todo el mundo trabaja los campos, pero que ahora comienza a haber bastante reticencia de los mozos y mozas a seguir con trabajo de sus pais en agricultura, porque, bueno, di que se queren, que quieren comer bien, vestirse bien, y que agricultura no da suficiente dinero como para que puedan hacer eso. Bueno, ahora deciden normalmente ir a escuela y seguir con su educación para poder trabajar en otro tipo de ámbitos o emigran. Il voudrait parler encore du changement climatique. Il dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce que le monsieur vient de dire. Et elle demande si au Mali, il y a des terres qui ont été abandonnées à cause de la sécheresse ou parce qu'elles sont plus fertiles. Et s'il y a eu des migrations à cause des sécheresses, par exemple. Oui, il y a eu des migrations, mais les terres abandonnées, ça, parce que maintenant il y a assez de terres. C'est les facteurs de production qui manquent. Les matériels, il y a l'eau, il y a tout l'accompagnement qui manque. Sinon, il y a peut-être dans les zones où on produit les cotons, parce que c'est les grands dévasteurs, et on dévaste les terres, et puis on utilise beaucoup de produits phytosanitaires. Là-bas, vers la région de Sikasso et Ségou-Koulikoro, là où on cultive le coton, il y a des terres abandonnées. Mais chez nous, par exemple, nous, on n'a pas assez d'eau, on ne cultive pas de coton, mais il y a quand même des terres fertiles. Bueno, di que o abandono non é moi corrente porque a maioría de terras que les traballan son fértiles, que o principal problema que teñen é a falta de factores de producción, non falta de materiais, o problema, bueno, da auga para irrigación, e que quizáis sí que isto pase máis nas zonas nas que se cultiva algodón, porque o algodón devasta máis as terras e ademais se utilizan moitísimos fitosanitarios e por lo tanto que sí que es posible que pase en estas zonas que son más no sur de Mali, pero que en la zona donde él vive en principio no habría este tipo de problemas. Si vous pourriez faire une description de la situation de l'Afrique en ligne générale, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'on ne connaît pas trop de ce continent par rapport à d'autres continents, parce que par exemple, on connaît plus de la situation en Amérique latine et d'autres continents. Et l'idée qu'on a de l'Afrique par les médias, les informations qu'on a, c'est un peu un continent où il y a beaucoup de faim, beaucoup de guerres. Et il voudrait savoir si vous pouvez faire une petite description de la situation, par exemple par rapport à. Au travail des terres, au contrôle des ressources, si c'est la population qui contrôle les ressources, ou s'il y a des multinationales d'autres pays, et la situation de la population surtout. Moi, je crois que c'est la même chose. Moi aussi, je ne connais pas d'autres continents. Parce que, en tout cas, là où je suis, il n'y a pas de guerre. Nous, on ne connaît pas la guerre. Et on n'a pas, on connaît pas aussi que les multinationales contrôlent nos terres. Ça n'a pas commencé. Mais ce qui est sûr, à l'office du Niger, il y a quand même des grands exploitants qui commencent à s'installer. Parce que l'année dernière, il y a eu une négociation entre nos administrés avec les Chinois qui veulent produire du riz. Mais en tout cas, au Mali et en Afrique de l'Ouest, je ne vois pas ces fortes guerres-là. Nous, on ne connaît pas beaucoup. Et je ne connais pas la différence. Je ne connais pas aussi l'Amérique latine. C'est pourquoi je ne peux pas parler de différence entre les pays. Peut-être il y a d'autres pays du continent, de d'autres continents africains. Peut-être il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Mais en Afrique de l'Ouest, nous, on ne connaît pas assez de guerres. Bueno, di que ela non pode facer unha comparación con outros continentes, por exemplo, porque non coñece tampouco moita situación pois en América Latina, pero en canto ao tema das loitas, das guerras, di que en Mali non se vive esa situación de guerra, de forte guerra, non? En canto ao tema das multinacionais, di que tampouco neste momento están entrando de maneira moi forte, non comezou todavía o tema das multinacionais, non teñen o control de todos os recursos. Sí que di que na zona do Níxer, que é un río que atravesa Mali, sí que se están comenzando a facer explotacións moito máis grandes, non? Non só de consumo propio, sino grandes explotacións, sobre todo do que falou antes de algodón. Bueno, fala de que non sabe si noutras zonas de África hai guerras, pero que dende logo en Mali, en África do Oeste, que é o que ela máis coñece, non se vive esta situación de guerra, de forte guerra, de fortes loitas. Un dialogue, il voudrait vous demander si vous connaissez un peu la situation de la Galice, parce qu'ici en Galice, il y a aussi une initiative pour la souveraineté alimentaire et qui a commencé à Niéléni en Mali en 2007 et qui est aussi dans d'autres régions de l'Espagne, à Catalogne, à Madrid, il y a des initiatives à niveau local ou régional pour la lutte pour la souveraineté alimentaire et aussi pour la lutte contre les OGM. Et qu'il y a eu la semaine dernière une manifestation à Saragosse, donc c'est une ville de l'Espagne, où il y a eu 5000 personnes, entre paysans, organisations et d'autres gens, qui se sont manifestés contre les OGM pour que pour l'interdiction du maïs transgénique, qui est cultivé en ce moment en 80 000 hectares en Espagne, et plus le maïs et la soye qui s'importent pour les animaux, pour l'alimentation des animaux. Donc, il pensait que c'était intéressant de vous dire ça, parce que c'est un peu les mêmes luttes que la Via Campesina fait ici ou en Afrique qui luttent pour les intérêts des paysans contre les OGM. Oui, c'est ça. Ça, c'est des expériences reçues. Ça veut dire qu'on doit échanger. Si on est dans une même organisation, on doit échanger ce qu'on a fait et qu'on a gagné. C'est pourquoi j'ai dit qu'on s'inspire des expériences des uns et des autres pour mener l'autre lutte. Parce que chacun a sa manière de faire, chacun a sa stratégie. Mais il faut s'inspirer de ce que les gens ont fait et que ça réussit pour que toi aussi tu fais ton lutte pour que tu réussisses. Moi, je crois que c'est original. C'est bien, je le note bien. Et puis, s'il y a des informations aussi, je souhaite les connaître encore. Bueno, dije que encuentro muy interesante que ya fales esto, porque ya parece muy importante intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, porque todos tenemos que inspirarnos de las loitas que otros ya fixeron y de los movimientos que se llevaron a cabo, que ya parece interesantísimo que todas las informaciones que ya podáis dar, pues que serán bienvenidas. Comme le Mali est un des pays où il y a plus d'émigration vers l'Europe, il voudrait savoir si les gens savent vraiment que l'Europe c'est un peu coupable du changement climatique et qu'un peu les Maliens ou les Africains sont en train de souffrir les conséquences de ce changement climatique. Parce qu'il, par exemple, il dit qu'en Afrique, l'Afrique représente le 4% du total des gaz à effet de serre. Alors que l'Europe représente le 25%. Et il dit aussi qu'avec l'énergie qu'on consomme en Espagne en une année, c'est la même que. C'est pareil au pétrole que vous consommez en Afrique entière dans le même temps. Les questions des climats, c'est délicat parce que ça veut dire que tout le monde n'a pas la même connaissance du problème. Les gens qui ne cultivent pas ne savent pas que ce changement climatique, d'où ça vient. Il faut des informations parce que, regarde ce que vous dites en Afrique, la population, tout le monde n'est pas parti à l'école. Ils ne savent même pas quelle est la signification du changement climatique. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à ce niveau. Ça fait partie de nous, notre lutte. C'est pour informer la population de l'impact de ces des pratiques néfastes de l'Europe qui a son impact sur nous, notre vie. Ça veut dire que c'est son impact sur le changement climatique qui s'impose dans nous, notre pays. Mais si, même en Espagne, par exemple, si on met tout le monde ensemble, on va savoir que tout le monde n'est pas au courant de ce qui s'est fait. Ça veut dire que c'est un système d'information, de communication, pour que chacun de nous prenne conscience. Nous sommes très petits. Même si nous sommes nombreux, si les moyens sont petits, ça veut dire que l'information passe petit à petit. Mais on est en train. On est en train de donner des informations. On est en train de collaborer avec les médias, de faire des grands regroupements, de faire des réunions pour que les experts qui savent de parler, comme moi je parle en paysan parce que je ne connais pas tous les contours, je ne connais pas tout ce qui est dedans, tout ce qui entraîne ce changement climatique, je ne connais pas. Mais au moment opportun où il y a des grandes rencontres, on fait ce débat, on le traduit en langue nationale, on le publie dans les radios pour que les gens aient une prise de conscience. Mais c'est un début déjà. Parce que si les gens commencent à entendre, ça veut dire qu'il y a un début de prise de conscience, il y a un début d'information et les gens vont s'y mettre. Mais il n'y a pas assez de connaissances par rapport à ça. Bueno, digo que o tema do cambio climático é un tema bastante delicado porque non toda a poboación coñece este problema, non? As persoas que non cultivan, que non son labregos, pois teñen menos información sobre este tema e ademais non todas as persoas en África teñen acceso á educación, polo tanto que é necesario un bo traballo de información a toda esta xente que se está levando a cabo xa de información sobre estas prácticas nefastas que ten Europa, non? Pero incluso di que se en España poñemos a todo o mundo xunto, non todo o mundo sabe o que se está facendo, non todo o mundo é consciente nin ten información sobre as políticas que se están levando a cabo, que se está facendo. E di que eles que son pequenos, que son moitos, pero que de momento teñen, bueno, que son pequenos, pero que están empezando a dar información, a facer charlas, debates, están traducindo a información ás lenguas nacionais de Mali, porque non todo o mundo tampouco fala francés, tamén nas radios e cos medios de comunicación están intentando dar información a todo o mundo, é un comezo para que a xente tome consciencia de do que está pasando realmente. Bueno, comenta este home que non considera que o cambio climático sexa o problema máis importante, sino que aquí, por exemplo, o problema máis importante son os transxénicos, porque a práctica que se adoita facer é cultivalos en campos moi pequenos, como se fose para experimentar, mentres que os científicos consideran que para experimentar non sirve para nada, para producir é posible, pero para experimentar non sirve facer un pequeno cultivo. Pero o que se quere con isto é que contaminen outros campos, que se lles diga aos labregos que ao ter os seus campos contaminados xa non poden seguir producindo os seus cultivos orixinais e polo tanto que se vexan obligados a producir sempre este tipo de cultivos transxénicos que non alimentan pero que teñen unha vantaxe económica que non necesitan man de obra, polo tanto non habería máis necesidade de labregos. Entón digo, este é un problema moi importante porque é un método de guerra contra os cultivos tradicionais moi eficaz. Moi je pense que dans la souveraineté alimentaire, il y a pas d'OGM. On parle pas d'OGM. C'est pourquoi nous on dit agriculture familiale. Dans l'agriculture familiale, la première lutte aussi c'est les OGM parce que nous toi tu as dit une partie, mais il y a des choses que nous on connaît pas, son impact sur la vie humaine, son impact sur la santé, parce que vous avez dit déjà qu'il contamine les semences, il contamine les sols. Ça veut dire que quel est son impact sur la vie humaine? Nous on sait pas. Ça veut dire que nous, dans notre lutte, nous ne voulons pas d'OGM, nous voulons préserver. Non, ça veut dire que vous dites que le changement climatique c'est un des problèmes, les OGM c'est un autre problème. Tous les deux, c'est un problème. Ça veut dire que nous, on ne veut pas tous les deux. Parce que tous les deux ne favorisent pas dans notre agriculture, dans notre modèle d'agriculture, qui est l'agriculture familiale. Nous, si nos semences sont infectées, ça veut dire qu'on n'aura plus de semences locales. Ça revient à ce que j'ai dit. On va manger ce qu'on ne connaît pas. Ou bien notre vie va dépendre de quelqu'un. S'il veut que nous mangeons, on va manger. S'il ne veut pas qu'on mange, on ne mange pas. Bueno, le di que no seu modelo, no modelo agrícola que les defenden, na soberanía alimentaria tal e como eles entenden, non hai cabida para os organismos modificados genéticamente, que por isto defenden unha agricultura familiar, que o cambio climático plantexa un problema, que os organismos transxénicos é outro problema, que eles non queren nada disto, nin o un nin o outro, porque se aceptan a introducción dos transxénicos non terán máis sementes locais e polo tanto pasarán, como dixo antes, a consumir o que non coñecen, que lles pode plantexar problemas de saúde, e ademais pasarán a depender tamén de outros países que non queren. Como respuesta a la crisis voudrais parler de, d'un plan de l'Espagne, qui est un nouveau plan qui s'appelle Plan Afrique, pour la coopération internationale avec l'Afrique, parce que l'Espagne, en théorie, est un des pays qui donne plus d'aide à la coopération internationale. Et, mais on voit, si on lit ce plan-là, on voit qu'il y a eu un changement, parce qu'avant l'Afrique, ce n'était pas important au niveau commercial avec l'Espagne. Il n'y avait pas d'accord important. Mais dans ce nouveau plan, qui va durer de 2009 à 2013, il y a très points importants qui sont que les pays de l'Afrique qui recevront cette aide, cet argent, devront accueillir les émigrants qui étaient partis en Espagne. Par exemple, au Mali, les Maliens qui étaient venus en Espagne devraient rentrer au Mali, retourner au Mali. Devraient être expulsés de l'Espagne. Et donc aussi, les pays devraient permettre l'accès des entreprises espagnoles dans leur territoire. Et l'Espagne veut aussi que le modèle d'agriculture change et que ce soit des cultures par filière qui s'imposent, surtout de... Que plantes existent pour la jatrof, le jatrof, qui se produit pour faire des huiles végétaux pour les biodiesel. Et donc aussi l'Espagne veut avoir plus de relations avec l'Afrique pour se sauver un peu de la crise économique qu'on vit actuellement, pour créer des infrastructures en Afrique, pour que les entreprises espagnoles se développent plus et qui créent plus d'emplois en Espagne. Ça fait partie du plan contre la crise, du plan espagnol contre la crise. Nous sais quelle est votre opinion sur esto. Et surtout que estas son las nuevas amenazas que ella aquí pues tanto aquí como allá deberíamos denunciar conjuntamente, por lo menos aquí se está empezando a denunciar y para compartir. Oui, il voudrait savoir votre opinion, mais aussi et surtout dénoncer ces pratiques, ces menaces de ce plan espagnol. Et il dit qu'il y a ici déjà une lutte contre ce genre de plan. Et bon, il voudrait vous le dire pour que vous le dites en Afrique et pour savoir votre opinion aussi. C'est ça, j'ai dit par rapport à la première information qu'il a donnée, j'ai dit on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et ceux qui doivent nous dire sont complices. Ça veut dire que nous, avec nos petites tic-tacs, on sait des choses. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Mais à travers la collaboration, parce qu'on est dans une même structure, on est dans un même problème, c'est en se passant les informations qu'on sache. Mais moi, personnellement, je ne connais pas. Bueno, di que non o sabía e que, como dixo antes, non sabemos todo, non? Que hai moitas cosas que ignoramos e que, como pois, hai unha complicidade entre os países, as grandes empresas, para que non haxa unha información clara, pois que hai moitas cosas que ignoramos e que por iso é importante a colaboración e os intercambios entre as persoas que temos problemas comuns para poder chegar a saber todo este tipo de cousas. Pero que ela non sabía nada disto. Una pregunta más. Perdón, me tira ahí. Después también pues podéis enseñar y tal, ¿no? En la que tampoco nos quedamos. Gracias.